Ballon, il y a. Ah, viens de là. Balle. Machine à l'archiade. Et t'as les ratines. Et t'as équilibre. Et t'as. Moi, il va rouler. Il y a Vincent. Shooting, il y a. Portier, là, il s'y arrive. Bordel, là, il y a Vincent. Benjamin, il va dire un team. Balle. Balle. Balle. Balle. Viva Maulé! Bien battu à ma chaîne, à ma manche, à Lautaro Gaita, à Bosch Garel, minuta! Chuté Guilla, Maulé, qu'au public, on avait ça là! Nigara, il va du gul! C'est parti là, Egid du gul! Egid Maulé! Maulé, c'est parti là, but Artino! Maï! Maï! Bien battu! À ma manche, à ma chaîne! Mais c'est un lec, mardi, si Jacqueline, Horgué là!